Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dans les années 1910, l'historien Marc Bloch est professeur dans un lycée de Montpellier. Et 30 ans plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, il rédige son apologie pour l'histoire ou métier d'historien. Il se souvient du brave proviseur de ce lycée languedocien où il fit ses premières armes de professeur. Il se souvient de sa grosse voix de capitaine d'enseignement qui l'avertissait. Ici, le 19e siècle, ce n'est pas bien dangereux. Mais quand vous toucherez aux guerres de religion, soyez très prudent. Marc Bloch a-t-il été prudent ? Parler de religion à l'école, peu de temps après la séparation des églises et de l'État, était un défi au risque d'avoir les parents languedociens sur le dos et les élèves aussi, mais surtout à travers ces élèves, encore les parents. Dans son apologie pour l'histoire que Marc Bloch écrit, indispensable, cela va de soi, à une juste intelligence des phénomènes religieux actuels, la connaissance de leur commencement ne suffit pas à les expliquer. Et il précise, la question en un mot n'est plus de savoir si Jésus fut crucifié puis ressuscité. Ce qu'il s'agit désormais de comprendre, c'est comment il se fait que tant d'hommes autour de nous croient à la crucifixion et à la résurrection. Enseigner le fait religieux, une évidence en histoire, en lettres, en sciences aussi quand il est question des origines de la vie. Enseigner le fait religieux, un métier dangereux. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, enseigner le fait religieux, sensibiliser à la liberté d'expression, ce sont les défis de l'école républicaine. Ces défis de l'école républicaine, nous sommes confrontés en plein avec l'actualité, une actualité qui semblait inimaginable et pourtant qu'aujourd'hui, en écoutant les témoignages des uns des autres, la crainte était là, il y a quelque chose de prégnant et il y a un sentiment de gêne dans la société tant nous sommes attachés à notre école. Pour nous en parler aujourd'hui, Isabelle Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'études à l'école pratique des hautes études. Vous êtes l'auteur de « Peut-on parler des religions à l'école ?» publié chez Albin Michel. Et avec nous également aujourd'hui, Laurence Bardot-Almeras, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire-géographie dans la région de Toulouse. Vous êtes professeur au collège Germaine Tillon à Haussonne. Avec nous aussi Dalila Chalabi. Bonjour. Oui, bonjour Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Professeur d'histoire-géographie dans un collège de l'Académie de Montpellier. C'est le collège Via Domitia. C'est à Monduel. Et puis David Feutry. Bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire-géographie au lycée Édouard Branly de Dreux. Nous voulions avoir des voix d'enseignants, collège, lycée, dans le supérieur également. Juste en écho à ce que nous avons entendu ces derniers jours, est-ce que la voix des enseignants est écoutée ? Est-ce que c'est quelque chose qui transparaît quand nous écoutons les réactions des uns des autres sur les réseaux sociaux ? C'est écoutons les enseignants avant tout. David Feutry. Malheureusement, j'ai l'impression que la voix des enseignants, elle est écoutée uniquement quand il y a des problèmes ou quand il y a des attentats. Dans le quotidien, cette voix, elle est plutôt assez peu entendue par la société, un petit peu par la société, mais surtout par la hiérarchie. Et quand on a des soucis et des problèmes qui sont évoqués, qui arrivent au sein des établissements, la question c'est toujours effectivement de savoir si on doit faire remonter et si cette question doit être traitée. On nous entend effectivement quand il y a des problèmes, de graves problèmes. On nous invite et merci de cette invitation. Mais le problème, c'est qu'au quotidien, les problèmes sont tous les jours présents. Et on ne nous écoute pas suffisamment au quotidien quand on demande une aide, mais surtout quand on demande des moyens. Oui, aide, moyens, et puis cette réflexion globale sur le fait religieux, sur la complexité d'enseigner le fait religieux qui transparaît dans l'actualité quand il y a un problème. Et là, nous sommes au-delà du problème, c'est un drame absolu. Mais ce quotidien de l'enseignement, du fait religieux, les enseignants, les enseignantes le vivent. Dalila Chalabi, enseigner le fait religieux n'est pas tant une question qui se pose quand on est enseignant et que l'on transmet des savoirs, de l'histoire. La religion est une évidence et les enseignants sont formés pour enseigner, pour évoquer ces sujets-là. Ça ne pose pas de problème en soi pour vous. Vous ne posez pas de questions normalement à vous dire comment je dois parler du christianisme, du judaïsme ou de l'islam. Vous savez le faire, vous êtes formé. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que cet enseignement nous expose à certains risques, hein, que ce soit l'enseignement du fait religieux ou l'enseignement de la liberté d'expression. Et effectivement, nous sommes formés à ces programmes. Alors moi, j'évoquerai les programmes de collège, hein, étant donné que je suis voilà, professeure au collège. Ces programmes de collège, hein, du cycle 3 et 4 nous permettent voilà, de travailler, d'aborder cette historicité du fait religieux, c'est-à-dire comment une nouvelle religion apparaît, à quel système politique, sociétal donne-t-elle naissance. Et c'est vrai que je m'aperçois, en travaillant avec mes collègues, hein, et même en tant que formatrice, une certaine forme de renoncement, d'évitement, donc liée à ces problématiques, hein, de l'enseignement du fait religieux, notamment. Qui est de plus en plus important. Oui, parce que là, nous le sentons bien avec l'actualité. Il y a des sujets qu'on ne peut pas évoquer. Pourtant, bien sûr, par notre vécu, par les gens avec qui nous pouvons parler ici et là, nous savons que certains thèmes posent problème. Dites-nous, Laurence Bardot-Almeras, est-ce qu'il y a une évidence sur certains sujets avec une réaction des élèves? Bien sûr, dire cela, c'est considérer que l'ensemble de la population des élèves est la même, que c'est le même vécu partout. En fait, c'est extrêmement variable, mais vous anticipez certaines réactions possibles. Bien sûr, on anticipe certaines réactions. Et justement, je voudrais revenir sur l'enseignement du fait religieux, dans la mesure où je trouve finalement la façon dont on le présente habituellement un petit peu réductrice. Vous le disiez très bien, la religion, c'est une évidence pour un professeur d'histoire-géographie. Et est-ce qu'on enseigne le fait religieux? Oui, mais non, on enseigne des sociétés marquées par la religion, au sein desquelles s'imposent des manières de penser, de voir, de penser l'organisation aussi du pouvoir politique. Donc le problème est beaucoup plus vaste. Et j'ai envie de dire que, certes, l'enseignement du fait religieux, si on peut l'appeler comme ça, on peut rediscuter du terme, oui, mais il y a tellement d'autres sujets qui sont des sujets de tension, notamment en enseignement moral et civique. Oui, parce que ces sujets, là nous sommes dans une émission d'histoire et nous parlons d'histoire, mais cela concerne l'ensemble des enseignants et j'évoquais les professeurs de sciences, hein, qui peuvent être eux aussi confrontés à des questions religieuses. Donc l'enseignement du fait religieux, c'est surtout l'enseignement en soi pour aborder certains sujets qui peuvent poser problème. Isabelle Saint-Martin, vous êtes l'auteur de « Peut-on parler des religions à l'école ?» C'est chez Albin Michel. Le titre de l'ouvrage est intéressant parce que c'est une question qui pourrait obtenir une réponse par un oui ou par un non. Peut-on parler des religions à l'école? Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une histoire de cette question-là. C'est l'histoire de la laïcité. Oui, c'est l'histoire de la laïcité scolaire qui a marqué les contenus d'enseignement depuis les années 1880, une bonne vingtaine d'années avant la loi de séparation des Églises et de l'État. C'est la fin d'une histoire sainte à l'école et ce n'est pas pour autant la fin d'une prise en compte de questions touchant aux religieux dans les programmes scolaires. Ils n'ont jamais totalement disparu et les collègues l'ont très bien rappelé, on ne peut pas évacuer la dimension religieuse quand on fait l'histoire des civilisations, la littérature, les symboliques, l'histoire culturelle en général. Tout ça doit être, prend sa place. Mais il y a deux sujets là-dedans. Et la citation de Marc Bloch, magnifique, par laquelle vous avez ouverte, le montre bien. Il y a la question de la place des faits religieux, on reviendra peut-être sur l'expression, dans les programmes scolaires, leur progression, leur meilleure prise en compte ou pas. Et puis, il y a le vécu religieux des élèves, leur sensibilité personnelle. Et là où ça devient explosif, c'est quand l'un rencontre l'autre. Si vous voulez, il y a bien des établissements où ça se passe très facilement et très bien. La difficulté, c'est lorsqu'un professeur abordant ces questions à travers les programmes voit rentrer ce qui relève du vécu religieux à l'école, la question du voile, la question des cantines, la contamination avec des débats de société, le conflit israélo-palestinien qui s'invite dans les classes. Et c'est là que, en fait, il y a des difficultés, beaucoup plus que pour l'enseignement à travers les programmes lui-même, tel que s'est affirmé le choix français pour en parler. Voilà, et puis la contextualisation, c'est la base du métier d'historien, et puis il ne sert à rien de tourner autour du pot. C'est l'islam qui pose problème aujourd'hui sur ces questions de religion principalement. Mais l'historien, c'est aussi qu'il faut avoir un regard sur la longue durée et contextualiser. Pendant longtemps, il y avait des questions religieuses, ce n'était pas l'islam qui posait problème, c'était la laïcité absolue, telle qu'on la conçoit en tant que républicain, et puis une autre forme d'histoire, celle baignée de religion. Écoutez ce que disait Francisque Gay, éditeur résistant et qui parle en mai 1946, alors il était alors vice-président du Conseil des ministres, et il faisait un discours sur le redressement moral et intellectuel de la France après la Seconde Guerre mondiale. Il évoquait ces questions de religion. On ne saurait méconnaître l'importance de l'œuvre scolaire accomplie au lendemain du désastre de 1870 par les vieux républicains. Je n'ai pas l'intention de critiquer ici, pas plus que nulle part ailleurs, l'effort à tant d'égards admirable des Jean Massé et des Jules Ferry, des Pecot et des Comparé. Il est cependant regrettable que l'école laïque ait été édifiée dans un climat de discorde confessionnelle, qu'on ait vu se dresser dans notre pays école contre école, tradition contre tradition, et l'école de la République contre l'école de l'Église. Voilà, Isabelle Saint-Martin, nous entendons à Francisque Gay qui parle en 1946 à propos de ces rivalités confessionnelles. Il y a une longue histoire en fait depuis la fin du 19e siècle, depuis les lois Ferry, 1905 ensuite, la séparation des églises et de l'État, et puis là nous sommes en 1946. Il y a une longue histoire sur la place de la religion à l'école, la manière d'aborder ces questions-là. Quelle est la spécificité de ce que nous vivons aujourd'hui? Quel est ce souci majeur au-delà de l'ultra-violence que nous connaissons parce que il y a la mort d'un homme? La longue histoire de la place des religieux à l'école, on voulait le rappeler, c'est une approche non confessionnelle. On a mis fin complètement en 1882 à une approche confessionnelle, religieuse, un cours destiné à des élèves supposés catholiques dans l'enseignement scolaire. Après, on a compris qu'ils ne pouvaient pas complètement évacuer ces sujets sur le religieux et on les voit revenir et le débat a repris une cristallisation, enfin, c'est cristallisé de manière différente dans les années 1980 quand on prend en compte à la fois la massification scolaire, une perte de culture générale humaniste au sens large dans lequel les questions touchant au religieux prennent place, le contexte international avec la reprise de conflits à coloration religieuse, on peut pas rentrer dans le détail de savoir le nom qu'on leur met exactement, la chute du mur, l'Iran, etc. Et on prend en compte le fait que on ne peut pas comprendre à la fois les sociétés du passé, le patrimoine et le monde contemporain sans avoir un minimum de connaissances sur ce qu'on va appeler l'effet religieux ou le fait religieux, mais nous préférons à l'Institut européen en sciences des religions en parler au pluriel pour éviter d'essentialiser un religieux dans l'absolu et prendre en compte la diversité de ces faits et de ces phénomènes. On prend en compte ces faits religieux et là où les choses encore évoluent un petit peu, en 2001, les attentats du 11 septembre, la question d'un refus d'une minute de silence et on voit le débat sur l'enseignement des faits religieux avec le rapport Debré se colorer d'une dimension plus un petit peu différente de une éducation au respect mutuel. Je préfère dire ça plutôt que le mot tolérance qui est toujours un petit peu connoté. Avec l'idée que plus de connaissances, c'est diminuer les peurs suscitées par l'ignorance, les fausses représentations qu'on a de l'autre. Et donc là où nous en sommes héritiers aujourd'hui avec ce nouvel attentat et ce nouveau drame, je suis pas sûre qu'il soit vraiment lié à la question en fait de l'enseignement des faits religieux. C'est une manière dont l'école sert un peu de point central à chaque fois qu'il y a un problème en France. Mais la question qui est posée, c'est apprendre à vivre à situer ses croyances et ses convictions dans une société pluraliste. Apprendre à situer ses croyances et ses convictions dans le respect de celles des autres. Et c'est ça le cours qui était en train d'être fait par cet enseignant. Oui, parce qu'il faut rappeler, ce n'était pas un cours lié à l'histoire de la religion. David Feutry, c'était un cours sur la liberté d'expression avec donc ces images. Et on ne va pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé. L'enseignant qui demande aux élèves que cela peut choquer de s'éloigner, etc. Oui, Isabelle, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y a eu des témoignages contradictoires. Voilà. Et chaque enseignant fait selon la sensibilité, enfin ce qu'il ressent de sa classe. C'est vrai que normalement, un cours sur la liberté d'expression, ça s'adresse à tous. Et on doit pouvoir s'adresser à tous les élèves. On ne les différencie pas. Mais je crois que là, on a eu des témoignages tellement contradictoires qu'il faut éviter de... Exactement, c'est pour ça. Et puis, de toute façon, nous sommes tous d'accord. Il y a un absolu dans cette histoire, c'est qu'un homme ne se fait pas décapiter. C'est pas le débat. Voilà, ouais. Exactement. Mais dans cette histoire de l'enseignement qui évoque alors la religion, qui évoque la liberté d'expression, David Feutry, il y a le fait que vous, enseignants, et tous les collègues, ont une vision de ce qui est la liberté d'expression, de la manière d'aborder une question qui traite de religion. Et il y a un contraste parfois saisissant. Comment vous, en tant qu'enseignant, vous le vivez, ce contraste, c'est-à-dire le retour que peuvent vous donner certains élèves face à des thèmes que vous abordez? Vous avez raison. Le mot essentiel, c'est le mot défi. C'est-à-dire que la France a fait le choix depuis 1905 de la laïcité. Et cette laïcité, elle s'impose aux enseignants dans la neutralité, mais aussi dans la liberté de conscience. Et l'enseignant, dans sa classe, a ce défi à relever de réussir à parler des religions, alors sans prendre parti évidemment, mais à embrasser la liberté de conscience de tout le monde. Et cette liberté d'expression, c'est véritablement le pivot de cette liberté de conscience. La capacité de montrer, dans un premier temps, que tout le monde peut avoir un avis, mais montrer que tous les avis ne se valent pas. Et c'est ça la grande difficulté qui est amplifiée par les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors dans les classes, effectivement, Isabelle de Saint-Martin a raison de le souligner, il y a des problèmes qui sont liés aux religieux, mais ça dépasse ce cadre-là, puisque les élèves, les adolescents notamment, ont besoin d'identification. Certains vont s'identifier à la religion, d'autres à certains nationalismes ou à certaines questions brûlantes d'actualité. Par exemple, vous parliez de conflits ou de contact ou de problème, quand on parle plus que la religion, pour ma part, quand on parle du génocide arménien. Mais c'est assez compliqué, en tant qu'historien qui a un discours construit avec des preuves historiques, de montrer à certains élèves, parfois, que ça va à l'encontre de leurs croyances, pas à l'encontre de leur religion, mais des croyances ou des préjugés ou des témoignages ou de l'enseignement qu'ont eu leur grand-père, leur père ou leurs parents, et que, dont ils ont hérité. Et là, on est dans une situation qui peut être compliquée, parce qu'on est en train d'expliquer que le génocide arménien, c'est un fait établi avec des preuves, reconnues par la plupart des pays aujourd'hui. Mais ces élèves, on est en porte-à-faux, puisque ces élèves vous disent « non, ce n'est pas vrai ». Vous n'avez pas raison. Et là, on ne peut pas, c'est la difficulté du professeur, on ne peut pas forcer les choses. On dit, mais si, écoute-moi, parce que c'est comme ça. Parce que là, on est en porte-à-faux avec l'élève, avec sa famille, avec ses croyances, mais aussi avec sa communauté, ce qui pose parfois des soucis. Oui, et puis c'est énorme comme combat du quotidien, c'est épuisant. Il faut rappeler ce que c'est que gérer une salle de classe, c'est pas simple. De 34 ou de 135 ou de 36. C'est... Et si on s'arrête pendant 20 minutes pour dire, mais non, j'ai raison face à toi, qu'est-ce qu'on fait des autres élèves? C'est aussi une question d'organisation. Dalila Chalabi, justement cette négociation sur le problème est quelque chose qui est très difficile, mais malgré tout, vous savez l'anticiper en tant qu'enseignante, c'est-à-dire qu'il y a des voies possibles. Comment procédez-vous? Au sens où, est-ce que vous préférez éloigner certains sujets trop polémiques, ou alors est-ce que vous mettez déjà des barrières pour éviter des discussions sans fin en réalité, parce que là, il y a une confrontation de... Alors, pas deux versions, du savoir de l'historien, de l'historienne, et puis une certaine vision qui est véhiculée par certains élèves. Alors, je pense que d'entrée de jeu, il est très important de clarifier les choses, de montrer cette distinction très claire entre le religieux comme objet de culte et le religieux comme objet d'histoire. Important aussi dans le cadre de l'enseignement de contextualiser les faits religieux, de les mettre en perspective. Donc je pense que le problème essentiel dans nos classes, c'est vraiment cette tension entre la croyance religieuse de nos élèves et donc la confrontation au savoir scientifique. Donc je pense que notre posture en tant qu'enseignant est très importante. Nous devons adopter une posture laïque et une posture du savoir. L'une des solutions en fait que je préconiserais, enfin que je préconise donc pour cet enseignement et pour justement limiter cette tension entre croyance et savoir scientifique, c'est vraiment de les former à l'esprit critique, c'est-à-dire accompagner nos élèves en fait dans la critique, dans l'interrogation des sources, de les confronter à différents points de vue sur la question, et surtout de leur montrer comment en fait l'histoire se construit, de les initier à cette démarche historique. Je vous donne l'exemple du programme de 5e qui aborde les chrétientés et l'islam, donc des mondes en contact. Donc par exemple, travailler sur la biographie du prophète de l'islam à partir de capsules vidéo ou de textes, et les accompagner à justement identifier les éléments donc d'ordre scientifique et puis les éléments qui se réfèrent en fait à la croyance. Oui, et alors... là on est vraiment dans la démarche voilà de l'historien. Avec cette limite, Dalila Chalabi, c'est que former l'esprit des élèves, les éveiller au sens critique, peut déjà poser problème, et on l'a vu avec ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire dans la volonté d'empêcher tout enseignement autour de la liberté d'expression, c'est aussi museler les professeurs, les empêcher de parler avec un écho. Nous évoquons beaucoup les élèves, mais je pense que dès maintenant, il faut aller changer de génération et parler des parents. Laurence Bardot-Almeras, il y a cette relation complexe avec les parents. David Feutry nous le disait bien, les élèves véhiculent ce qu'ils apprennent à la maison et ce qui a sans doute beaucoup plus de poids en temps et puis en pression sociale que ce que peut dire le professeur. Et puis il y a tous ces réseaux sociaux. Vous avez vous-même été victime, j'utilise ce mot, de cette incompréhension de votre enseignement. Tout à fait. Et je, pour répondre à votre question, deux remarques. La première remarque concerne justement le métier, la base. On est dans un métier de parole. Et donc le premier filtre est l'appropriation, la réception par les élèves de ce qu'on est en train de dire. Et je répète, c'est un métier de parole, hein, donc c'est facile de c'est très facile de pouvoir détourner ensuite nos propos et l'interprétation des élèves. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la surinterprétation de ce qu'on dit. Et c'est là que l'on rencontre, deuxième point, justement les familles. Et ce qui nous désole aujourd'hui et ce qui nous attriste beaucoup, c'est que cette impression que on a perdu cette idée de la co-construction des savoirs et de l'éducation. Co-construction, les familles bien sûr, l'enseignant d'autre part. On a chacun, famille d'une part, enseignant d'autre part, nos domaines d'expertise, notre sphère d'expertise. Et là où on devrait au contraire se rencontrer pour pouvoir éveiller des esprits libres, on rentre en conflit. Et c'est là le gros souci. Et c'est rajouter un troisième élément, comme vous le dites, que sont les réseaux sociaux. Voilà, parce que là où par contre, la maîtrise est impossible pour nous. La maîtrise est impossible sur les réseaux sociaux et c'est ce qui vous est arrivé. Hein. Vous avez été stigmatisé. Non, enfin moi c'était une lettre d'intimidation que j'ai reçue à l'occasion de la préparation du concours de la résistance, du concours national de la résistance et de la déportation. Une lettre d'intimidation, qui remettait clairement en cause à la fois l'existence de ce concours national de la résistance et de la déportation et d'autre part le contenu d'enseignement. Donc bon, voilà, lettre d'intimidation, mais qui montre bien, c'était en 2012, qui montre bien que depuis, qu'est-ce qui a été fait, point d'interrogation, et que déjà à l'époque, on pouvait contester l'enseignement. Et c'est là où c'est ennuyeux, parce que je crains aussi que cette expression de liberté pédagogique, on y reviendra peut-être, soit mal entendue. Liberté pédagogique pour un enseignant, ça veut simplement dire liberté de choisir ses supports, liberté de la mise en œuvre. Mais les programmes, ils sont très cadrés. On ne peut pas faire n'importe quoi en tant qu'enseignant. Et donc, cette idée que l'on puisse être contesté par les familles, que l'on puisse venir nous chercher sur un terrain scientifique, c'est ça qui nous pose gros problème aujourd'hui. Oui, c'est un véritable problème qui est quotidien pour les enseignants et qui apparaît qui apparaît dans l'actualité de manière mais terrifiante avec ce qui s'est passé, un professeur décapité. C'est quelque chose qu'il est très difficile d'imaginer, hein, Isabelle Saint-Martin. Peut-on parler des religions à l'école? Vous avez écrit ce livre chez Albin Michel, c'était en 2019 hein, oui. qu'il a paru. La chose n'était pas imaginable au sens où toutes ces agressions étaient là, mais l'attaque du professeur qui... parce que nous sommes enseignants les uns les autres, parce que nous aimons le savoir. C'est une figure quand même, c'est pas rien, professeur, quoi. Et cette attaque-là, c'est une véritable attaque qui ne vise pas uniquement une personne. C'est l'institution scolaire et au-delà, la République, la liberté d'expression. Mais en 2019, en écrivant ce livre-là, peut-on parler des religions à l'école? La chose ne pouvait pas être imaginée aussi horrible. Bien sûr que non. Néanmoins, l'idée qu'il y ait des menaces sur l'école et sur le monde enseignant, on sait qu'elles existaient. Depuis 2015, elles avaient été proférées dans les discours qui visaient la République, qui visaient la France. Donc ça, c'est hélas pas tout à fait une surprise, mais on pouvait pas imaginer quelque chose d'aussi horrible. Je terminais mon livre de 2019 en parlant de l'éducation à l'image et de l'éducation du regard et de la difficulté ou la nécessité de pouvoir situer certaines images telles que les caricatures dans des filières longues d'images, d'apprendre à les mettre en contexte, ce que font d'ailleurs très bien beaucoup d'enseignants. J'ai été tout à fait frappée de voir les très beaux exemples qui ont été donnés par l'école qui se réfère directement au rapport de Bray, cette distinction du religieux comme objet de culte ou objet de culture. Il faut peut-être rappeler aux auditeurs plus largement, qui ne sont pas tous professeurs d'histoire ou spécialistes, que le choix français, ça a été, parmi d'autres possibilités, d'aborder les faits religieux à travers les disciplines existantes, à travers les programmes scolaires. Il n'y a pas en France un cours spécifique consacré aux religieux, qu'ils soient confessionnels comme on le trouve encore dans d'autres pays, ou qu'ils soient même déconfessionnalisés, un cours de culture religieuse. Le choix a été, depuis la fin des années 80, et ça n'a cessé d'être réaffirmé par le ministère, d'aborder cela en contexte, à travers le cours d'histoire, à travers la littérature. Ça, c'est important d'en parler, parce que ça permet d'aborder les dimensions symboliques, mythiques, un peu d'une autre manière de ce qu'on fait en histoire, même si d'ailleurs il y a des passerelles qui sont recommandé en sixième, notamment entre les deux enseignements. Et ça, c'est à la fois très important sur le plan de la culture générale. On met pas dans un ghetto les questions touchant aux religieux. C'est pas une heure optionnelle à part. Hein, ça fait partie de l'ensemble du programme. Mais la limite, et une collègue l'évoquait à l'instant, c'est que c'est un peu éclaté, c'est dispersé, il peut y avoir un aspect saupoudrage, les élèves peuvent avoir du mal à trouver les fils, et il faut s'appuyer d'une année sur l'autre, comme d'ailleurs sur d'autres domaines, hein, sur ce qui a été acquis précédemment. Et parfois, il y aurait peut-être le besoin de faire sentir un fil conducteur qui permette d'emboîter, si vous voulez, les différentes notions de manière plus claire. Parce que, effectivement, ce sont des sujets qu'on va voir ressurgir dans les programmes à différents moments. Et il faut pas tout focaliser sur la naissance des traditions religieuses parce que, involontairement, ça peut tendre à donner l'impression que les religions naissent toutes constituées d'un corpus de doctrines, de textes fondateurs, de rites et pratiques, alors que ça se met en place, ça se développe dans l'histoire de façon beaucoup plus lente et diversifiée. Isabelle Saint-Martin, je vous posais la question, au moment où vous avez écrit votre ouvrage, vous ne pouviez pas imaginer qu'évoquer la religion, montrer des caricatures du prophète Mahomet, pouvait conduire à la mort d'un homme. Mais vous me répondez, et on l'entend bien, il y a toute une réflexion autour de la manière. Et puis vous me répondez aussi que, bah si, quand même, on connaissait les menaces. Alors l'autre chose que l'on ne peut pas imaginer, c'est que, connaissant ces menaces depuis si longtemps, après avoir évoqué les élèves, après avoir évoqué rapidement les parents, on peut évoquer aussi l'institution. David Feutry, c'est vrai que ces menaces étaient là, c'était prégnant dans la société. Quelles réponses ont été apportées à toutes ces difficultés rencontrées par les enseignants? Alors, on voit très bien que les mots aujourd'hui tuent. quand on en parle aux élèves, on leur dit que ça arrive dans les autres pays. C'est arrivé aujourd'hui en France. Donc c'est une chose qui est très grave. Et l'institution, depuis 2015 et les attentats qui ont lieu, il y a eu des réponses, notamment des plans, des alertes attentats et des PPMS qui se mettent en place. Voilà, faut les plans, préciser ça. Enfin, les plans qui sont de mise en sécurité, qui sont faits dans les établissements pour justement prévenir une alerte attentat si jamais un tireur fou rentrait dans un établissement. Donc tous les ans, on a plusieurs fois dans l'année, dans les écoles, les collèges et les lycées, ces plans de mise en sécurité qui sont faits. Plus globalement, la question, il y a un problème dans justement ce traitement qui peut avoir lieu sur ces questions qui sont assez graves, puisque on est dans une logique où on a besoin d'évoquer toutes ces questions, on a besoin de temps pour les évoquer, sauf qu'on s'aperçoit aujourd'hui que l'école ne répond pas à une logique, on va dire, globalement intellectuelle de la part de la hiérarchie et du ministère. On est dans une logique comptable. Je donne mon exemple. Je suis dans un lycée qui était classé REP+, qui n'est plus REP+, puisque les catégories ont disparu. Éducation prioritaire. Voilà, réseau d'éducation prioritaire, adossé à une zone de sécurité prioritaire juste à côté. On s'aperçoit quoi depuis 2 ou 3 ans? C'est que la dotation globale du lycée, l'enveloppe des heures, ne cesse de fondre. Que font les chefs d'établissement qui sont tributaires de ce qui leur est donné par le rectorat et les rectorats sans doute par le ministère? C'est que derrière, on doit trouver de l'argent pour assurer absolument tout. Où est-ce qu'on va tailler? On va d'abord tailler dans les cours qui sont dédoublés. Par exemple, dans mon cas, l'EMC. Qui était dédoublé, où on avait du temps pour parler à, non pas à 34, mais à 17, et faire des débats. Et là, on se retrouve maintenant à des classes qui ne sont plus dédoublées, parce qu'on n'a plus les moyens financiers pour le faire. ESC. Éducation morale et civique, pardon. Non, vous excusez pas, vous avez raison. Non, mais je précise parce que c'est quelque chose qui est sensible dans la population quand nous discutons. Il y a des gens qui sont enseignants, d'autres qui ont des élèves et puis d'autres qui sont un peu exclus de ce monde-là et qui ont du mal aussi à comprendre les difficultés, pas du mal à comprendre intellectuellement, hein, mais qui ne sont pas directement confrontés à ces difficultés. Et c'est aussi cela qui crée cette parole dure à mettre en place, une parole d'enseignant qui parfois a l'impression de ne pas être entendu. Dalila Chalabi, au moment de mettre en place des réflexions autour de la manière d'enseigner le fait religieux, la liberté d'expression. Et nous voyons très bien tout ce qui peut mettre le feu dans une salle de classe et au-delà, à la maison, et ça revient ensuite au visage des parents. Quelles sont les réflexions qui peuvent être posées au moment de la formation de l'enseignant? Alors, différents points, différentes choses, je pense. Déjà être au clair tout d'abord sur le lexique, hein, le vocabulaire. Donc on sait bien l'importance du sens des mots à travailler avec les élèves. Tout à l'heure, la collègue évoquait la notion de société. Effectivement, définir cette notion de société qui est différente pour l'historien, le géographe, en sachant que l'objectif, c'est d'analyser la position de la religion comme un élément constitutif de nos sociétés. Et surtout, je dirais, le deuxième levier que nous pouvons préconiser, c'est de réfléchir à une progressivité de nos enseignements. Donc, par exemple, sur le fait religieux, donc en sixième, nous abordons le polythéisme antique, ancien, le monothéisme juif et ensuite le monothéisme chrétien. Donc, il s'agit effectivement d'accompagner les enseignants dans le fait de leur montrer qu'il s'agit d'un moment historique, d'une évolution des religions dans leurs pratiques, leurs usages, leurs sensibilités, et surtout d'introduire de la nuance. Je pense qu'auprès des élèves, c'est très important, puisque, comme nous le savons tous, les radicalisations en fait se nourrissent d'un modèle d'explication binaire, hein, d'un côté le bien, de l'autre le mal, et progressivement, hein, les élèves hein, arrivent quand même à construire des bonnes postures et à se poser les bonnes questions. Oui, parce qu'il faut avoir effectivement d'espoir dans les élèves, hein, parce oui, que faut rappeler que sur les millions d'élèves, la plupart et l'immensité sont éveillés par des questionnements posés par l'enseignant. L'enseignant, figure de notre société. Écoutez cette archive de 1965, l'émission s'intitulait « 16 millions de jeunes », c'était sur l'ORTF. Qui était monsieur l'instituteur ? L'instituteur des pauvres, tel était d'abord l'instituteur d'il y a 100 ans. Ces images de l'époque, ici l'élève écartelé entre l'enseignement libre et l'enseignement public, laïque, montre assez bien ce qu'était alors monsieur l'instituteur. La légende de ce dessin plus récent, c'était « Va-t-on m'obliger à balayer la rue ?» Mais cette révolte contre la pauvreté est apparue beaucoup plus tard. Jusqu'en 1914, l'instituteur de campagne se considérait comme investi d'une mission, payé ou pas payé. Vous êtes des fils de pauvres, votre capital c'est votre travail, c'était la légende de cette image. Peut-être, grâce à cette pauvreté, ce désintéressement, l'instituteur atteignait-il son but. Il enseignait à lire et à écrire aux enfants et souvent aux adultes, mais aussi il enseignait la démocratie avec souvent comme seul livre de lecture la Déclaration de l'homme et du citoyen. Il enseignait aussi la morale, ou au moins le bon sens. C'était un personnage obscur, partout, sauf dans son village. Ah, l'instituteur dans une archive de 1965. Cette figure de l'enseignant, quel qu'il soit, hein, instituteur, professeur de collège, donc professeur des écoles, de lycée ou en lycée professionnel, peu importe, les mêmes questions se posent sans cesse sur la figure de ce personnage dans la société, le regard porté sur lui, notamment par certains parents. Laurence Bardot-Almeras, est-ce que vous pensez que justement ce rapport aux parents est un questionnement majeur, au sens où les parents désormais ont accès beaucoup plus facilement à l'enseignant avec Pronote, avec ses messageries mises en place? Avant c'était le carnet de liaison, il fallait écrire, c'était beaucoup plus complexe. Est-ce que vous pensez que ce rapport aux parents est quelque chose à travailler pour essayer de dépasser tous ces problèmes qui peuvent apparaître dans la salle de classe? Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait de raison d'introduire la question de la place, hein, des professeurs dans la société et dans l'espace public. Vous relevez justement que la proximité entre le professeur et les familles aujourd'hui est plus grande, justement à cause notamment des messageries, ou grâce aux messageries, ce dont vous parliez, le NT, le fait que les parents puissent s'adresser à nous directement. Et on ne peut rester que sans voix en voyant la violence de certains messages qui nous sont envoyés. Oui, on peut dire quotidiennement, sur justement la façon dont on a mené le cours, sur la façon dont on a mené notre évaluation, dont on a corrigé l'évaluation. Et c'est très ennuyeux parce que je reviens à cette histoire de co-construction des savoirs. Faire entrer les parents à l'école, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème si on est ensemble pour faire grandir des esprits. Et donc, ce conflit par rapport au professeur qui dit tout et n'importe quoi, qui embête mon enfant, dans un désir d'ailleurs des familles de protection, de surprotection parfois, a vraiment caché l'image, et gâché l'image de l'instituteur dont vous nous rappeliez à juste titre l'image qu'elle avait au début du siècle et encore plus récemment, telle que décrivait Ferry ou autre. Voilà, une image très importante, à retrouver, à travailler. Et puis avec cette question de l'école qui est le reflet en réalité de la société, Isabelle Saint-Martin, peut-on parler des religions à l'école? Vous vous interrogez sur cette question-là, mais la question en fait s'étend, peut-on parler des religions dans la société? Les problèmes que l'on va rencontrer dans une salle de classe sont en écho à ceux qui peuvent se poser globalement dans la société, et puis l'élève véhicule ce qu'il a entendu le soir à la maison. Absolument, et c'est pour ça qu'on ne peut pas écarter les religions de l'école, ça serait le seul lieu où on n'en parlerait pas. On en parle dans les médias, on en parle pour s'invectiver quelquefois, on en parle au cinéma, dans la culture. L'école ne peut pas l'ignorer, mais c'est le lieu où on en parle autrement. C'est-à-dire, on n'en parle pas de manière confessionnelle pour faire adhérer ou pas. On n'en parle pas que dans le show de l'actualité. On en parle, et ça a été très bien dit, pour mettre en perspective. Et je suis vraiment très heureuse d'entendre tous ces témoignages qui montrent bien à quel point il est compris que ce n'est pas une entorse à la laïcité. C'est au contraire mettre en œuvre l'esprit de laïcité, cet esprit critique qui ne s'interdit aucun champ du savoir. Alors, ça peut rencontrer des conflits de loyauté avec des élèves, et c'est là que la question des parents rentre en ligne de compte. Mais le défi de l'école, c'est de pouvoir construire un regard commun sur des objets et permettre à chacun de mettre à distance ses propres croyances et convictions, encore une fois, dans le respect de celles des autres. Voilà, et puis l'enseignant sait faire un cours, il a été formé pour ça, et puis il a de l'expérience. Mais parfois, il est confronté à des questions qui sont insolubles. Par exemple, quand l'élève dit quelque chose de provoquant, et puis s'abrite derrière la liberté d'expression que l'enseignant lui-même défend. David Feutry, comment réagir à quelque chose comme ça? Là, on est dans une rhétorique qui nous désarme complètement. Oui, la difficulté, c'est surtout que c'est imprévisible. Quand je dis que c'est imprévisible, on a des adolescents qui sont chargés émotionnellement. Certains auditeurs savent peut-être très bien ce que c'est qu'un adolescent au quotidien. Et il faut voir que nous, on en a 34, 36 dans la même classe. Donc ces adolescents sont parfois dans la culture du conflit, parce qu'ils sont à un moment où ils sont pas bien, ils sont à un moment où ils sont fatigués, on est à un moment dans l'année où il se passe quelque chose dans le monde qui les touche. Et vous le disiez tout à l'heure, Isabelle Saint-Martin, il y avait véritablement, il y a une résonance par rapport à tout ce qui se passe autour dans la famille, mais en France et dans le monde. Et donc, on est confronté de manière surprise, souvent, à ces questions-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est pas non plus de rentrer nous-mêmes dans le conflit et d'essayer de montrer que nous, en professeurs, on a systématiquement raison en leur démontrant par A plus B, en les forçant à croire. On doit ouvrir un dialogue. Et finalement, on ne fait que semer des graines qui, peut-être, vont beaucoup plus tard sortir et éveiller... Ben, une réflexion. Il y avait dans l'archive tout à l'heure le bon sens. C'est ça le professeur. C'est celui qui met du sens à quelque chose et qui met le bon sens. Immédiatement, on donnera jamais de réponse. On sortira pas de l'heure de cours en disant « Ah, ben, j'ai eu raison. Et cette fois-ci, il m'a posé une question, il s'est mis en confrontation et je l'ai eu. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On sème systématiquement quelque chose. Ça sert pour l'élève, mais ça sert surtout à tous les autres élèves. Donc il y a des conflits, oui. J'ai envie de dire tant mieux aussi. Parce que ça permet de montrer l'autorité du professeur, montrer véritablement ce que c'est construire un discours et argumenter devant tous les élèves. Et c'est ça qui est véritablement intéressant et qui sert pour tous les élèves. Et généralement, et vous l'avez vu dans les témoignages qui sont parus des élèves et des professeurs, quand les professeurs disent « j'ai reçu le message d'un élève que je n'avais pas vu depuis 6 ans, 8 ans, 10 ans et qui a pris de mes nouvelles », ça a fleuri sur les réseaux sociaux. C'est ça, semer des graines. Et elles ne viennent pas tout de suite, jamais. Elles prennent le temps, la maturité de l'élève qui devient un adulte et qui lui-même transmettra ça aussi à ses enfants. C'est ce qu'on espère du moins. Ah bah, en tout cas, c'est bon de vous entendre, David Feutry, nous dire cela, parce qu'évidemment, il n'y aura pas de solution évidente, immédiate, avec une mesure qui vient du ministère et qui descend comme ça par la hiérarchie pour régler ce problème-là. Laurence Bardot-Almeyras, cet espoir... Alors, il est difficile parce que c'est une lutte au quotidien. Vous le portez, vous aussi, c'est-à-dire que bah, déjà, vous êtes enseignante. Alors, sinon, vous arrêteriez si c'était pas possible. Mais il faut rappeler quand même ce travail au quotidien avec la conscience que ça ne va pas régler tout de suite les choses, mais que tout doucement, c'est une part qui est faite pour un progrès, pour éveiller, alors peut-être pas tout de suite, mais un peu plus tard, les élèves. Oui, je suis tout à fait d'accord avec David. Voilà, on a bien à l'esprit que on sème des graines et c'est ça qui nous porte et qui fait qu'on garde espoir et qu'aujourd'hui, même si on est dans l'effroi, dans la colère, dans l'inquiétude, on a aussi cette irrésistible envie de continuer parce que nos élèves. On les aime, nos élèves, on a envie de les faire grandir. On sait bien que ça va pas être maintenant, tout de suite, mais que voilà, c'est un long chemin et peut-être c'est parce qu'on est professeur d'histoire aussi que le temps long, ça nous pose pas trop de problèmes, hein, j'ai envie de dire. Mais bien sûr qu'on a de l'espoir. J'ai envie de rajouter cette phrase de Bernard Stasi en 2004 dans le livret républicain lorsqu'il disait l'école ne doit pas mettre les élèves à l'abri mais à l'abri de la fureur du monde belle expression parce que c'est ça la construction d'un savoir par rapport à des croyances, c'est ça le rôle de l'école de justement confronter ce qu'on entend dans la famille et après certaines vérités historiques, on va dire. Juste l'interrogation aujourd'hui, c'est la fureur nous a rattrapés vendredi. Et il va falloir qu'on soit très courageux, je pense, pour passer sur l'effroi là et accepter notre colère, mais on y croit. On y croit, et c'est ça qui est sans doute le plus important, Laurence Bardot-Almeyras. Isabelle Saint-Martin, peut-on parler des religions à l'école? Oui. On peut en parler. C'est difficile. Rien n'est résolu sur le moment, mais il est possible d'en parler par des voies différentes, par l'art par exemple. Il y a mille choses à faire. Oui, je développe particulièrement un plaidoyer par les arts dans mon livre, mais je crois qu'on s'approche de la fin de l'émission et moi je voudrais vraiment dire une chose, c'est que je voudrais vraiment rendre hommage à toutes les initiatives exceptionnelles que je vois d'enseignants d'histoire et pas seulement, de lettres aussi sur ces sujets. Et c'est très encourageant de les entendre parce qu'on a trop entendu ces dernières heures dire c'est pas possible, on n'y arrive pas, il ne se passe rien dans les écoles sur ce sujet. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'initiatives exceptionnelles et il y a malheureusement des difficultés et ce drame incroyable, mais qui dépasse l'école. Je crois que l'école a été là un prétexte pour une revendication qu'on connaît bien dans la société et qui va se focaliser sur l'école comme ça a été les journalistes, comme ça a été un prêtre il y a quelques années. C'est maintenant un enseignant, mais je suis extrêmement heureuse et confiante dans le fait que les enseignants ne se laisseront pas intimider et qu'ils continueront à faire leur métier. Merci beaucoup Isabelle Saint-Martin et merci à vous tous parce que le moment est compliqué effectivement d'entrer dans une salle de classe après ce qui s'est passé, reprendre la parole et essayer de dialoguer avec les élèves avec cette peur au ventre. Mais la peur de ce qui s'est passé est une chose, mais la peur de la réaction de l'élève, c'est quelque chose de très dur, sachant qu'on va devoir combattre sans arrêt. Et donc dans cette émission aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous voulions donner la parole aux enseignants, sachant qu'il n'y aurait pas de solution. Des pistes et continuer le métier et puis voilà, sachant que c'est un mal-être d'être prof, c'est un métier sublime. Merci à vous quatre, merci Isabelle Saint-Martin, Laurence Bardot-Almeras, David Feutry et Dalila Chalabi. Et il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Ce matin, un procès historique au menu du journal de l'Histoire. Un épisode de l'Histoire ressurgit simultanément sur nos écrans avec un film d'Aaron Sorkin sur Netflix, un documentaire sur Arte et sous la forme d'un roman graphique, Les Sept de Chicago, un procès qui s'est déroulé en 1969 avec sur le banc des accusés les leaders des mouvements anticonformistes des années 60. Ce procès dit la violence d'État de ces années charnières. Richard Nixon vient d'être élu à la présidence et son gouvernement décide de régler leurs comptes au SDS, le Students for Democratic Society, et au Yippie du Youth International Party. Une vengeance à rebours menée par un ministre de la Justice, bien décidé à faire taire les opposants les plus virulents à la guerre menée par les États-Unis au Vietnam. Pour ma part, je les surnomme les petits cons et croyez-moi, tout le monde sait de qui je parle. Bruyant, revendicatif et dangereux. On a supporté 10 ans ces branlotins de la contestation qui ne se sont jamais salis les mains à combattre l'ennemi et qui nous disent à nous comment conduire une guerre. Leur décennie est finie, les adultes reprennent du galon et si moi je décide que ces fiottes en haillons menacent la sécurité nationale, elles s'en iront passer leur trentaine dans une institution fédérale. Ce procès des Sept de Chicago, c'est le résultat de l'exhumation d'un dossier enterré. En 1968, le SDS organise une manifestation de protestation contre la guerre à Chicago à l'occasion du 35e congrès du Parti démocrate. Toutes les composantes de la gauche non gouvernementale sont là, y compris Bobby Seale, le leader du Black Panther Party, qui a accepté de venir faire un discours avant de repartir aussitôt, sans assister à la suite. Les forces de l'ordre chauffées à blanc poussent à bout les manifestants, les coups pleuvent et la manifestation tourne à l'émeute. Pourtant, le gouvernement en place à l'été 68 avait décidé de classer le dossier sans poursuivre qui que ce soit, après avoir conclu que la provocation des services de sécurité et de leurs agents infiltrés avait largement contribué à l'exaspération de la situation. Le dossier exhumé sous Nixon devient rapidement un procès politique. Les 7 accusés, Abby Hoffman et Jerry Rubin pour les Yippies, Tom Hayden et Rennie Davis pour le SDS et le pacifiste David Dellinger, côtoient sur le blanc des accusés deux étudiants alibi, de ceux que l'on pourra relaxer pour la forme en montrant que le jury a été clément, et de Bobby Seale pour faire d'une pierre plusieurs coups et se débarrasser de toute l'intelligentsia de cette jeune gauche contestataire que Richard Nixon et le patron du FBI Edgar Hoover considèrent comme les pires ennemis de l'Amérique. C'est sans compter la popularité de ces mouvements après 14 années de guerre et un bilan humain très lourd du côté de la jeunesse mobilisée au sein de l'armée américaine envoyée au Vietnam. En cette année 1969, nous sommes aussi au lendemain des assassinats de Martin Luther King, de Malcolm X et de Robert Kennedy. L'illusion de l'expression publique pacifique a fait long feu. La violence est là, se défendre est devenu un motif légitime. Les 7 de Chicago, c'est le récit d'un procès forcément politique avec un juge partie prenante pour un ordre social suranné qui n'hésite pas à faire ligoter et bâillonner Bobby Seale aux yeux de tous dans le tribunal sans comprendre à quel point cette violence est devenue insupportable devant une forêt de caméras et de micros prêts à en témoigner. La résurgence de ce procès, c'est une histoire des années 60 américaines, bien sûr, quand la critique de la défense à tout prix de l'American Way of Life se fait jour et des mouvements politiques qui ont temporairement gagné une guerre culturelle, reprise en ce moment dans la campagne présidentielle américaine en cours. Merci Anaïs, qui en retrouve le journal de l'histoire et ses podcasts sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Valentin Bobinet, une émission préparée par Anne Toscane-Judès, Marion Dupont, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou. Émission, celle-ci et toutes les précédentes, à écouter ou podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, nous continuons à réfléchir autour de l'enseignement. Qu'est-ce que l'école ? Ben, tiens, un point d'ancrage du programme scolaire. Oui, celui-là, c'est le programme scolaire de première, Olive et Tartiflette, quand Nice et la Savoie deviennent françaises. Comment fait-on des petits Français ? C'est demain dans le cours de l'histoire.